Rastignac ferma la porte de la salle à manger, en amenant avec lui Vautrin au bas de l'escalier, dans le carré qui séparait la salle à manger de la cuisine, où se trouvait une porte pleine, donnant sur le jardin, et surmontée d'un long carreau garni de barreaux de fer. Là, l'étudiant dit devant Sylvie, qui déboucha de sa cuisine, « Monsieur Vautrin, je ne suis pas marquis, et je ne m'appelle pas Rastignacorama. » « Ils vont se battre, » dit mademoiselle Michonneau, d'un air indifférent. « Se battre, » répéta Poiret. « Que non, » répondit madame Vauquet, en caressant sa pile d'écu. « Mais les voilà qui vont sous les tilleuls !» cria mademoiselle Victorine, en se levant pour regarder dans le jardin. « Ce pauvre jeune homme a pourtant raison. »« Remontons, ma chère petite, » dit madame Couture. « Ces affaires-là ne nous regardent pas. » Quand madame Couture et Victorine se levèrent, elles rencontrèrent à la porte la grosse Sylvie qui leur barra le passage. « Quoi qu'il n'y a donc, » dit-elle. « Monsieur Vautrin a dit à monsieur Eugène, expliquons-nous. » Puis il l'a pris par le bras, et les voilà qui marchent dans nos artichauts. » En ce moment, Vautrin parut. « Madame Vauquet, » dit-il en souriant, « ne vous effrayez de rien. Je vais essayer mes pistolets sous les tilleuls. »« Oh, monsieur, » dit Victorine, en joignant les mains, « pourquoi voulez-vous tuer monsieur Eugène ?» Vautrin fit deux pas en arrière et contempla Victorine. « Autre histoire !» s'écria-t-il d'une voix railleuse qui fit rougir la pauvre fille. « Il est bien gentil, n'est-ce pas, ce jeune homme-là » reprit-il. « Vous me donnez une idée. Je ferai votre bonheur à tous deux, ma belle enfant. »